L'éloquence de Colzida fut bien près de nous coûter la vie, car l'auditoire applaudit. Les vieux compagnons d'Agistravos, 10 ou 12 palicares dévoués qui auraient pu lui venir en aide, avaient mangé la desserte de sa table. Ils se tordaient dans les coliques. Mais un orateur populaire ne s'élève pas au pouvoir sans faire des jaloux. Lorsqu'il parut démontrer que Colzida deviendrait le chef de la bande, Tambouris et quelques autres ambitieux firent volte-face et se rangèrent de notre parti. Capitaine pour capitaine, ils aimaient mieux celui qui savait les conduire que ce bavard outrecuidant dont la nullité leur répugnait. Ils pressentaient d'ailleurs que le roi n'avait plus longtemps à vivre et qu'il prendrait son successeur parmi les fidèles qui resteraient autour de lui. Ce n'était pas chose indifférente. Il y avait gros à parier que les bailleurs de fonds ratifieraient plutôt le choix d'Agistravos qu'une élection révolutionnaire. 8 ou 10 voix s'élevaient en notre faveur. Notre, car nous ne faisions plus qu'un. Je me cramponnais au roi des montagnes, et lui-même avait un bras passé autour de mon cou. Tambouris et les siens se concertèrent en 4 mots. Un plan de défense fut improvisé. 3 hommes profitèrent du tapage pour courir avec Dimitri à l'arsenal de la bande, faire provision d'armes et de cartouches, et tracer à travers le chemin une longue traînée de poudre. Ils revinrent discrètement se mêler à la foule. Les deux parties se dessinaient de minute en minute. Les injures volaient d'un groupe à l'autre. Nos champions, adossés à la chambre de Marianne, gardaient l'escalier, nous faisaient un rempart de leur corps et rejetaient l'ennemi dans le cabinet du roi. Au plus fort de la poussée, un coup de pistolet retentit. Un ruban de feu courut sur la poussière et l'on entendit sauter les rochers avec un fracas épouvantable. Colzida et ses partisans, surpris par la détonation, coururent en bloc à l'arsenal. Tambouris ne perd pas une minute. Il enlève Agistravos, descend l'escalier en 2 enjambées, le dépose en lieu sûr, revint à moi, m'emporte et me jette aux pieds du roi. Nos amis se retranchent dans la chambre, coupent les arbres, barricade l'escalier et organise la défense avant que Colzida soit revenu de sa promenade et de sa surprise. Nous nous comptons alors. Notre armée se composait du roi, de ses 2 domestiques, de Tambouris avec 8 brigands, de Dimitri et de moi. En tout, 14 hommes, dont 3 hors de combat. Le Cafedji s'était empoisonné avec son maître et il commençait à ressentir les premières atteintes du mal. Mais nous avions 2 fusils par personne et des cartouches à discrétion, tandis que les ennemis ne possédaient d'armes et de munitions que ce qu'ils portaient sur eux. Ils avaient l'avantage du nombre et du terrain. Nous ne savions pas précisément combien ils comptaient d'hommes valides, mais il fallait s'attendre à 25 ou 30 assaillants. Je n'ai plus besoin de vous décrire la place assiégée, vous la connaissez depuis longtemps. Croyez cependant que l'aspect des lieux avait bien changé depuis le jour où j'y déjeunais pour la première fois sous l'œil du corfiote entre Madame Simon et Marianne. Nos beaux arbres avaient les racines en l'air, et le rossignol était loin. Ce qu'il vous importe de savoir, c'est que nous étions défendus à droite et à gauche par des rochers inaccessibles, même à l'ennemi. Il nous attaquait d'en haut par le cabinet du roi, et il nous surveillait au bas du ravin. D'un côté, ses feux plongeaient sur nous, de l'autre, nous plongions sur ses sentinelles, mais à si longue portée que c'était jeter la poudre aux moineaux. Si Colzida et ses compagnons avaient eu la moindre notion de la guerre, c'était fait de nous. Il fallait enlever la barricade, entrer de vive force, nous acculer contre un mur ou nous culbuter dans le ravin. Mais l'imbécile qui avait plus de 2 hommes contre 1 s'avisa de ménager ses munitions et de placer en tirailleur 20 maladroits qui ne savaient pas tirer. Les nôtres n'étaient pas beaucoup plus habiles. Cependant, mieux commandés et plus sages, ils cassèrent bel et bien 5 têtes avant la tombée de la nuit. Les combattants se connaissaient tous par leur nom. Ils s'interpellaient de loin à la façon des héros d'Homère. L'un essayait de convertir l'autre en le couchant en joue. L'autre ripostait par une balle et par un raisonnement. Le combat n'était qu'une discussion armée, où de temps en temps la poudre disait son mot. Pour moi, étendu dans un coin à l'abri des balles, j'essayais de défaire mon fatal ouvrage et de rappeler à la vie le pauvre roi des montagnes. Il souffrait cruellement. il se plaignait d'une soif ardente et d'une vive douleur dans l'épigastre. Ses mains et ses pieds glacés se contractaient avec violence. Le pouls était rare, la respiration haletante. Son estomac semblait lutter contre un bourreau intérieur sans parvenir à l'expulser. Cependant, son esprit n'avait rien perdu de sa vivacité et de sa présence. Son regard vif et pénétrant cherchait à l'horizon la rade de Salamine et la prison flottante de Fotini. Il me dit en crispant sa main autour de la mienne « Guérissez-moi, mon cher enfant, vous êtes docteur, vous devez me guérir. Je ne vous reproche pas ce que vous m'avez fait. Vous étiez dans votre droit. Vous aviez raison de me tuer. Car je jure, sans votre ami Harris, je ne vous aurais pas manqué. N'y a-t-il rien pour éteindre le feu qui me brûle? Je ne tiens pas à la vie, allez, j'ai bien assez vécu. Mais si je meurs, ils vous tueront, et ma pauvre Fotini sera égorgée. Je souffre, tâtez mes mains. Il me semble qu'elles ne sont déjà plus à moi. Mais croyez-vous que cet Américain ait le cœur d'exécuter ces menaces? Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Fotini l'aime, la malheureuse. Je l'avais élevée pour devenir la femme d'un roi. J'aimerais mieux la voir morte que... Non, j'en suis bien aise, après tout. Quel est de l'amour pour ce jeune homme? Il aura pitié d'elle, peut-être. Qu'êtes-vous pour lui? Un ami, rien de plus. Vous n'êtes même pas son compatriote. On a des amis tant qu'on veut. On ne trouve pas de femme comme Fotini. Moi, j'étranglerais bien tous mes amis si j'y trouvais mon compte. Mais jamais je ne tuerais une femme qui aurait de l'amour pour moi. Si du moins il savait combien elle est riche. Les Américains sont des hommes positifs, au moins on le dit. Mais la pauvre innocente ne connaît pas sa fortune. J'aurais dû l'avertir. Maintenant, comment lui faire savoir qu'elle aura 14 millions de dot? Nous sommes prisonniers d'un colt zida. Guérissez-moi donc par tous les saints du paradis que j'écrase cette vermine. Je ne suis pas médecin, et je sais de toxicologie le peu qu'on en apprend dans les traités élémentaires. Cependant, je me rappelais que l'empoisonnement par l'arsenic se guérit par une méthode qui ressemble un peu à celle du docteur Sangrado. Je chatouillais l'œsophage du malade pour délivrer son estomac du fardeau qui le torturait. Mes doigts lui servirent d'émétique, et bientôt j'eus lieu d'espérer que le poison était en grande partie expulsé. Les phénomènes de réaction se produisirent ensuite. La peau devint brûlante, le pouls accéléra sa marche, la face se colora, les yeux s'injectèrent de filets rouges. Je lui demandai si un de ces hommes serait assez adroit pour le saigner. Il se banda le bras lui-même, et il s'ouvrit tranquillement une veine, au bruit de la fusillade et au milieu des balles perdues qui venaient l'éclabousser. Il jeta par terre une bonne livre de sang et me demanda d'une voix douce et tranquille ce qu'il lui restait à faire. Je lui ordonnai de boire, et de boire encore, et de boire toujours, jusqu'à ce que les dernières parcelles de l'arsenic fussent emportées par le torrent de la boisson. Tout justement, l'outre de vin blanc qui avait causé la mort de Vasile était encore dans la chambre. Ce vin, étendu d'eau, servit à rendre la vie au roi. Il m'obéit comme un enfant. Je crois même que la première fois que je lui tendis la coupe, sa pauvre vieille majesté souffrante s'empara de ma main pour la baiser. Vers 10 heures du soir, il allait mieux, mais son café de gi était mort. Le pauvre diable ne put ni se défaire du poison, ni se réchauffer. On le lança dans le ravin, du haut de la cascade. Tous nos défenseurs paraissaient en bon état, sans blessure, mais affamés comme des loups en décembre. Quant à moi, j'étais à jeun depuis 24 heures, et mon estomac criait famine. L'ennemi, pour nous braver, passa la nuit à boire et à manger sur nos têtes. Il nous lançait des os de mouton et des outres vides. Les nôtres ripostaient par quelques coups de fusil au jugé. Nous entendions distinctement les cris de joie et les cris de mort. Colzida était ivre. Les blessés et les malades hurlaient ensemble. Moustakas ne cria pas longtemps. Le tumulte me tint éveillé toute la nuit auprès du vieux roi. Ah, monsieur, que les nuits semblent longues à celui qui n'est pas sûr du lendemain. La matinée du mardi fut sombre et pluvieuse. Le ciel se brouilla au lever du soleil, et une pluie grisâtre s'abattit avec impartialité sur nos amis et nos ennemis. Mais si nous étions assez éveillés pour préserver nos armes et nos cartouches, l'armée du général Colzida n'avait pas pris les mêmes précautions. Le premier engagement fut tout à notre honneur. L'ennemi se cachait mal et tirait d'une main avinée. La partie me parut si belle que je pris un fusil comme les autres. Ce qui en advint, je vous l'écrirai dans quelques années, si je me fais recevoir médecin. Je vous ai déjà avoué assez de meurtres pour un homme qui n'en fait pas son état. Agistravos voulut suivre mon exemple, mais ses mains lui refusaient le service. Il avait les extrémités enflées et douloureuses, et je lui annonçai avec ma franchise ordinaire que cette incapacité de travail durera peut-être aussi longtemps que lui. Sur les 9 heures, l'ennemi, qui semblait fort attentif à nous répondre, nous tourna brusquement le dos. J'entendis une fusillade effrénée qui ne s'adressait pas à nous, et j'en conclus que maître Colzida s'était laissé surprendre par derrière. Quel était l'allié inconnu qui nous servait si bien? Était-il prudent d'opérer une jonction et de démolir nos barricades? Je ne demandais pas autre chose, mais le roi rêvait à la troupe de ligne et Tambouris mordait sa moustache. Tous nos doutes furent bientôt aplanis. Une voix qui ne m'était pas inconnue cria « All right !» 3 jeunes gens armés jusqu'aux dents s'élancèrent comme des tigres, franchirent la barricade et tombèrent au milieu de nous. Harris et Lobster tenaient dans chaque main un revolver à 6 coups. Giacomo brandissait un fusil de munitions, la crosse en l'air comme une massue. C'est ainsi qu'il entend l'emploi des armes à feu. Le tonnerre, en tombant dans la chambre, eut produit un effet moins tragique que l'entrée de ces hommes, qui distribuaient des balles à poignées et qui semblaient avoir de la mort plein les mains. Mais 3 commensaux, ivres de bruit, de mouvement et de victoire, n'aperçurent ni Agistravos ni moi. Ils ne virent que des hommes à tuer. Et Dieu sait s'ils allèrent vite en besogne. Nos pauvres champions, étonnés, éperdus, furent hors de combat sans avoir eu le temps de se défendre ou de se reconnaître. Moi-même, qui aurais voulu leur sauver la vie, j'eus beau crier dans mon coin, ma voix était couverte par le bruit de la poudre et les exclamations des vainqueurs. Dimitri, tapi entre Agistravos et moi, joignait vainement sa voix à la mienne. Harris, Lobster et Giacomo tiraient, couraient, frappaient, en comptant les coups chacun dans sa langue. « Run !» disait Lobster. « Tout !» répondait Harris. « 3, 4, 5 !» hurlait Giacomo. Le 5e fut Tambouris. Sa tête éclata sous le fusil comme une noix fraîche sous une pierre. La cervelle jaillit aux alentours et le corps s'affaissa dans la fontaine comme un paquet de haillons qu'une blanchisseuse jette au bord de l'eau. Mes amis étaient beaux à voir dans leur travail épouvantable. Ils tuaient avec ivresse. Ils se complaisaient dans leur justice. Le vent et la course avaient emporté leur coiffure. Leurs cheveux flottaient en arrière. Leur regard étincelait d'un éclat si meurtrier qu'il était difficile de discerner si la mort partait de leurs yeux ou de leurs mains. On eût dit que la destruction s'était incarnée dans cette trinité haletante. Lorsque tout fut aplani autour d'eux et qu'ils ne virent plus d'autres ennemis que 3 ou 4 blessés rampant sur le sol, ils respirèrent. Harris fut le premier qui se souvint de moi. Giacomo n'avait qu'un souci. Il ne savait pas si, dans le nombre, il avait cassé la tête d'Agistravos. Harris cria de toutes ses forces. « Hermann, où êtes-vous ? » « Ici, » répondis-je, et les 3 destructeurs accoururent à ma voix. Le roi des montagnes, tout faible qu'il était, appuya une main sur mon épaule, s'adossa au rocher, regarda fixement ces hommes qui n'avaient tué tant de monde que pour arriver jusqu'à lui, et leur dit d'une voix ferme « Je suis Agistravos. Vous savez si mes amis attendaient depuis longtemps l'occasion de châtier le vieux Palicare. » Ils s'étaient promis sa mort comme une fête. Ils avaient avengé les filles de Mystra, 1000 autres victimes, et moi, et eux-mêmes. Et cependant, je n'eus pas besoin de leur retenir le bras. Il y avait un tel reste de grandeur dans ce héros en ruine que leur colère tomba d'elle-même et fit place à l'étonnement. Ils étaient jeunes tous les 3, et dans cet âge où l'on ne trouve plus ses armes devant un ennemi désarmé. Je leur appris en quelques mots comment le roi m'avait défendu contre toute sa bande, tout mourant qu'il était, et le jour même où je l'avais empoisonné. Je leur expliquai la bataille qu'ils avaient interrompue, les barricades qu'ils venaient de franchir, et cette guerre étrange où ils étaient intervenus pour tuer nos défenseurs. « Tant pis pour eux, » dit John Harris, « nous portions comme la justice un bandeau sur les yeux. Si les drôles ont eu un bon mouvement avant de mourir, on leur en tiendra compte là-haut. Je ne m'y oppose pas. » « Quant au secours dont nous vous avons privé, » dit Lobster, « ne vous en mettez pas en peine. Avec 2 revolvers dans les mains et 2 autres dans les poches, nous valons chacun 24 hommes. Nous avons tué ceux-ci, les autres n'ont qu'à revenir. N'est-il pas vrai, Giacomo ? » Moi, dit le Maltais, j'assommerais une armée de taureaux. Je suis en veine. Et dire qu'on est réduit à cacheter des lettres avec ces deux poignets-là. » Cependant, l'ennemi, revenu de sa stupeur, avait recommencé le siège. Trois ou quatre brigands avaient allongé le nez par-dessus nos remparts et aperçu le carnage. Colzida ne savait que penser de ces trois fléaux qu'il avait vus frapper aveuglément sur ses amis et ses ennemis. Mais il conjectura que le fer ou le poison l'avait délivré du roi des montagnes. Il ordonna de démolir prudemment nos ouvrages de défense. Nous étions hors de vue, abrités contre un mur, à 10 pas de l'escalier. Le bruit des matériaux qui croulaient avertit mes amis de recharger leurs armes. Agistravos les laissa faire. Il dit ensuite à John Harris. « Où est Fotini ?»« À mon bord. »« Vous ne lui avez pas fait de mal ?»« Est-ce que j'ai pris de vos leçons pour torturer les jeunes filles ?»« Vous avez raison, je suis un misérable vieillard. Pardonnez-moi, promettez-moi de lui faire grâce. » « Que diable voulez-vous que je lui fasse? Maintenant que j'ai retrouvé Hermann, je vous la rendrai quand vous voudrez. »« Sans rançon? Vieille bête. »« Vous allez voir, dit le roi, je suis une vieille bête. »« Vous allez voir, dit le roi, si je suis une vieille bête. » Il passa le bras gauche autour du cou de Dimitri, il étendit sa main crispée et tremblante vers la poignée de son sabre, tira péniblement la lame hors du fourreau et marcha vers l'escalier où les insurgés de Colzida s'aventuraient en hésitant. Ils reculèrent à sa vue, comme si la terre se fût ouverte pour laisser passer le grand juge des enfers. Ils étaient 15 ou 20, tous armés, chacun d'eux n'osa ni se défendre, ni s'excuser, ni fuir. Ils tremblaient sur leurs jambes devant la face terrible du roi ressuscité. Agistravos marcha droit à Colzida, qui se cachait, plus pâle et plus glacé que tous les autres. Il jeta le bras en arrière, par un effort impossible à mesurer. Et d'un coup trancha cette tête ignoble d'épouvantée. Le tremblement le reprit ensuite. Il laissa tomber son sabre le long du cadavre et ne daigna point le ramasser. « Marchons, dit-il, j'emporte mon fourreau. La lame n'est plus bonne à rien. Dis-moi non plus, j'ai fini. » Ses anciens compagnons s'approchèrent de lui pour lui demander grâce. Quelques-uns le supplièrent de ne point les abandonner. Il ne savait que devenir sans lui. Il ne les honora pas d'un seul mot de réponse. Il nous pria de le conduire à Castia pour prendre des chevaux, et à Salamine pour chercher Fotini. Les brigands nous laissèrent partir sans résistance. Au bout de quelques pas, mes amis s'aperçurent que je me traînais avec peine. Giacomo me soutint. Harris s'informa si j'étais blessé. Le roi me lança un regard suppliant. Pauvre homme! Je contai à mes amis que j'avais tenté une évasion périlleuse, et que mes pieds s'en étaient mal trouvés. Nous descendîmes lentement les sentiers de la montagne. Les cris des blessés et la voix des bandits qui délibéraient sur place nous poursuivirent à un demi-quart de lieue. À mesure que nous approchions du village, le temps se remettait, les chemins séchaient sous nos pas. Le premier rayon de soleil me parut bien beau. Agistravos prêtait peu d'attention au monde extérieur. Il regardait en lui-même. C'était quelque chose de rompre avec une habitude de 50 ans. Aux premières maisons de Castia, nous fîmes la rencontre du moine, qui portait un essaim dans son sac. Il nous présenta ses civilités et s'excusa de n'être point venu nous voir depuis la veille. Les coups de fusil lui avaient fait peur. Le roi le salua de la main et passa outre. Les chevaux de mes amis les attendaient avec leur guide auprès de la fontaine. Je demandai comment ils avaient 4 chevaux. Ils m'apprirent que M. Mérinet faisait partie de l'expédition, mais qu'il était descendu de cheval pour considérer une pierre curieuse, et qu'il n'avait point reparu. Giacomo Fondi me porta sur ma selle, toujours à bras tendu. C'était plus fort que lui. Le roi, aidé de Dimitri, se hissa péniblement sur la sienne. Harris et son neveu sautèrent à cheval. Le Maltais, Dimitri et le guide nous précédèrent à pied. Chemin faisant, je m'approchai de Harris, et il me raconta comment la fille du roi était tombée en son pouvoir. « Figurez-vous, me dit-il, que j'arrivais de ma croisière, assez content de moi et tout fier d'avoir coulé une demi-douzaine de pirates. Je mouille au Pirée le dimanche à 6 heures. Je descends à terre et comme il y avait 8 jours que je vivais en tête-à-tête avec mon état-major, je me promettais une petite débauche de conversation. J'arrête un fiacre sur le port et je le prends pour la soirée. Je tombe chez Christodule au milieu d'une consternation générale. Je n'aurais jamais cru que tant d'ennui pût tenir dans la maison d'un pâtissier. Tout le monde était réuni pour le souper. Christodule, Maroula, Dimitri, Giacomo, William, M. Mérinet et la petite fille des dimanches, plus endimanchée que jamais. William me conta votre affaire. Si j'ai poussé deux beaux cris, inutile de vous le dire. J'étais furieux contre moi de n'avoir pas été là. Le petit m'assure qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Il a battu toute la ville pour 15 000 francs, mais ses parents lui ont ouvert un crédit fort limité. Bref, il n'a pas trouvé la somme. Il s'est adressé en désespoir de cause à M. Mérinet. Mais le doux Mérinet prétend que tout son argent est prêté à des amis intimes, loin d'ici, bien loin, plus loin que le bout du monde. « Eh, morbleu, » dis-je à l'obstère, « c'est en monnaie de plomb qu'il faut payer le vieux scélérat. À quoi te sert-il d'être plus adroit que Némrod, si ton talent n'est bon qu'à écorner la prison de Socrate ? Il faut organiser une chasse aux palicares. » J'ai refusé dans le temps un voyage dans l'Afrique centrale, et j'en suis encore au regret. C'est double plaisir de tirer un gibier qui se défend. Fais provision de poudre et de balles, et demain matin nous entrons en campagne. William mord à la meçon, Giacomo donne un grand coup de poing sur la table. Vous connaissez les coups de poing de Giacomo. Il jure de nous accompagner, pourvu qu'on lui procure un fusil à un coup. Mais le plus enragé de tous était M. Mérinet. Il voulait teindre ses mains dans le sang des coupables. On accepta ses services, mais j'offris de lui acheter le gibier qu'il rapporterait. Il enflait sa petite voix de la façon la plus comique et disait en montrant ses poings de demoiselle qu'Agistraos aurait affaire à lui. Moi, je riais de bon cœur, d'autant plus qu'on est toujours gai la veille d'une bataille. L'obstère devint tout guilleret à l'idée de montrer aux brigands les progrès qu'il avait faits. Giacomo ne se tenait pas de joie. Les coins de sa bouche lui entraient dans les oreilles. Il cassait ses noisettes avec la figure d'un casse-noisette de Nuremberg. M. Mérinet avait des rayons autour de la tête. Ce n'était plus un homme, mais un feu d'artifice. Excepté nous, tous les convives avaient des mines d'une houle. La grosse pâtissière se confondait en signe de croix. Dimitri levait les yeux au ciel. Le lieutenant de la phalange nous conseillait d'y regarder à deux fois avant de nous frotter au roi des montagnes. Mais la fille au nez aplati, celle que vous avez baptisée du nom de Crinolina invariabilis, était plongée dans une douleur tout à fait plaisante. Elle poussait des soupirs de fendeur de bois. Elle ne mangeait que par contenance, et j'aurais pu faire entrer dans mon œil gauche le coupé qu'elle mit dans sa bouche. C'était une brave fille, Harris. Brave fille, tant que vous voudrez. Mais je trouve que votre indulgence pour elle passe les bornes. Moi, je n'ai jamais pu lui pardonner ses robes qui se fourrent obstinément sous les pieds de ma chaise, l'odeur de patchouli qu'elle répand autour de moi, et le regard pâmé qu'elle promène autour de la table. On dirait, sur ma parole, qu'elle n'est pas capable de regarder une carafe sans lui faire les yeux doux. Mais si vous l'aimez telle qu'elle est, il n'y a rien à dire. Elle partit à 9 heures pour sa pension. Je lui souhaitais bon voyage. 10 minutes après, je serre la main de nos amis. Nous prenons rendez-vous pour le lendemain. Je sors, je réveille mon cocher, et devinez un peu qui je trouve dans la voiture. Crinolina invariabilis, avec la servante du pâtissier. Elle appuie un doigt sur sa bouche. Je monte sans rien dire, et nous partons. « Monsieur Harris, me dit-elle en assez bon anglais, « ma foi, monsieur Harris, jurez-moi de renoncer à vos projets contre le roi des montagnes. » Je me mets à rire, elle se met à pleurer. Elle jure que je me ferai tuer. Je réponds que c'est moi qui tue les autres. Elle s'oppose à ce qu'on tue Agistraos. Je veux savoir pourquoi. Et enfin, à bout d'éloquence, elle s'écrie comme au 5e acte d'un drame, « c'est mon père !» Là-dessus, je commence à réfléchir sérieusement. Une fois n'est pas coutume. Je songe qu'il me serait possible de récupérer un ami perdu sans en risquer 2 ou 3 autres, et je dis à la jeune palicare, « Votre père vous aime-t-il ? » « Plus que sa vie. » « Vous a-t-il jamais refusé quelque chose ? » ?»« Rien dans ce qu'il me faut. » « Et si vous lui écriviez que vous avez besoin de M. Hermann Schulz, vous l'enverrait-il par retour du courrier ? » ?»« Non. » »« Vous en êtes sûr ? » ?»« Absolument. » « Alors, mademoiselle, je n'ai plus qu'une chose à faire. À brigand, brigand et demi. Je vous emporte à bord de la Fancy, et je vous garde en otage jusqu'au retour d'Hermann. »« J'allais vous le proposer, dit-elle. À ce prix, papa vous rendra votre ami. » J'interrompis à ce mot le récit de John Harris. « Eh bien, lui dis-je, vous n'admirez pas la pauvre fille qui vous aime assez pour se livrer entre vos mains ?»« La belle affaire, répondit-il. Elle voulait sauver son honnête homme de père, et elle savait bien qu'une fois la guerre déclarée, nous ne le manquerions pas. je lui promis de la traiter avec tous les égards qu'un galant homme doit à une femme. Elle pleura jusqu'au pirée. Je la consolai comme je pus. Elle murmurait entre ses dents « Je suis une fille perdue ». Je lui démontrai par A plus B qu'elle se retrouverait. Je la vis descendre de voiture. Je l'embarquai avec la servante dans mon grand canot, le même qui nous attend là-bas. J'écrivis au vieux brigand une lettre catégorique et je renvoyai la bonne femme à la ville avec le petit message pour Dimitri. Depuis ce temps, la belle éplorée jouit sans partage de mon appartement. Ordre de la traiter comme la fille d'un roi. J'ai attendu jusqu'à lundi soir la réponse de son père, puis la patience m'a manqué. Je suis revenu à ma première idée. J'ai pris mes pistolets, j'ai fait signe à nos amis, et vous savez le reste. Maintenant, à votre tour, vous devez avoir tout un volume à raconter. Je suis à vous, lui dis-je. Il faut d'abord que j'aille glisser un mot dans l'oreille d'Algistravos. Je m'approchai du roi des montagnes, et je lui dis tout bas. Je ne sais pourquoi je vous ai conté que Fotini aimait John Harris. Il fallait que la peur m'eût tourné la tête. Je viens de causer avec lui, et je vous jure sur la tête de mon père qu'elle lui est aussi indifférente que s'il ne lui avait jamais parlé. » Le vieillard me remercia de la main, et j'allais raconter à John mes aventures avec Marianne. « Bravo, fit-il, je trouvais que le roman n'était pas complet, faute d'un peu d'amour. En voilà beaucoup, ce qui ne gâte rien. « Excusez-moi, lui dis-je, il n'y a pas d'amour dans tout ceci. Une bonne amitié d'un côté, un peu de reconnaissance de l'autre. » Mais il ne faut rien de plus, je pense, pour faire un mariage raisonnablement assorti. Épousez, mon ami, et prenez-moi pour témoin de votre bonheur. Vous l'avez bien gagné, John Harris. Quand la reverrez-vous, je donnerai beaucoup pour assister à l'entrevue. Je voudrais lui faire une surprise et la rencontrer comme par hasard. C'est une idée. Après-demain, au bal de la cour. Vous êtes invité, moi aussi. La lettre vous attend sur votre table, chez Christodule. D'ici là, mon garçon, il faut rester à mon bord pour vous refaire un peu. Vos cheveux sont roussis et vos pieds endommagés. Nous avons le temps de remédier à tout. Il était 6 heures du soir lorsque le grand canot de la Fancy nous mit tous à bord. On porta le roi des montagnes jusque sur le pont. Il ne se soutenait plus. Fotini se jeta dans ses bras en pleurant. C'était beaucoup de voir que tous ceux qu'elle aimait avaient survécu à la bataille. Mais elle trouva son père vieilli de 20 ans. Peut-être aussi eut-elle à souffrir de l'indifférence de Harris. Il la remit au roi avec un sans-façon tout américain en lui disant « Nous sommes quittes. Vous m'avez rendu mon ami, je vous restitue mademoiselle. Donnant, donnant. Les bons comptes font les bons amis. Et maintenant, auguste vieillard, sous quel climat béni du ciel, irez-vous chercher qui vous pende? Vous n'êtes pas homme à vous retirer des affaires. » « Excusez-moi, répondit-il avec une certaine hauteur. J'ai dit adieu au brigandage et pour toujours. » Que ferais-je dans la montagne? Tous mes hommes sont morts, blessés ou dispersés. J'en pourrais élever d'autres, mais ces mains qui font ployer tant de têtes me refusent le service. C'est aux jeunes à prendre ma place, mais je les défie d'égaler ma fortune et ma renommée. Que vais-je faire de ce restant de vieillesse que vous m'avez laissé? Je n'en sais rien encore, mais soyez sûr que mes derniers jours seront bien remplis. J'ai ma fille à établir, mes mémoires à dicter. Peut-être encore, si les secousses de cette semaine n'ont pas trop fatigué mon cerveau, consacrerai-je au service de l'État mes talents et mon expérience. Que Dieu me donne la santé de l'esprit. Avant 6 mois, je serai président du Conseil des ministres.